something. You got to be starting something. It's too hard to get over. Too low to get under. You're stuck in the middle. And the pain is thunder. It's too hard to get over. Too low to get under. You're stuck in the middle. And the pain is thunder. Took my baby to the doctor with a fever, nothing he found. But the time is hit a streak, she had a nervous breakdown. Someone's always trying to keep my baby crying, talking, screaming, crying. Then you just want to be starting something. Cause you want to be starting something. You got to be starting something. I said you want to be starting something. You got to be starting something. So how to get over, too low to get under. You're stuck in the middle, and the pain is thunder. It's the hard get over, too low to get under. You're stuck in the middle, and the pain is thunder. You're vegetable, you're vegetable, you're vegetable, you're vegetable. They don't love you, you're vegetable, you're vegetable, you're vegetable. Faudrait-tu te mettre devant le micro? Merci. Ça, c'est un gazou qui gazouille pas comme je voudrais. Je croyais innocemment, comme le prépubère nerveux, qu'il y avait uniquement une sorte de gazou, c'est-à-dire une sphère insignifiante avec un sommet, un trou au sommet, et tu soufflais à l'intérieur de ce cylindre-là et ça émettait un son. Et si je le fais, ça émet absolument rien. Ça fait un bruit bizarre. Alors donc, ben c'est un bruit silencieux. C'est très bizarre, le silence. Et c'est vrai. Madame Tremblay, vous avez touché un point. C'est très silence, le bizarre. Non, c'est très bizarre, le silence. Oui, oui, c'est ce que je lui ai dit. Ben non, à l'envers. Ben oui, à l'envers. une moyenne à l'endroit, une moyenne à l'envers, une moyenne à l'envers, une moyenne à l'endroit. Ça commence bien l'émission, on aime bien ça, nous. Alors donc, même si tu souffres, ça ne fonctionne pas. Donc, il faut que tu émettes un son. OK? Et ça, c'est le ré en chaleur. Quand c'est un dos. Bon. Et puis, il faut bien sûr amener la sirène à chantonner. C'était à peu près comme ceci. Et ça, c'est... Tu l'attends, la sirène? Pas besoin de chanter. Ça met en évidence mon souffle. Oui. Merci. Alors, un nouvel instrument vient de naître pour cette errance rénaldienne du 9 décembre. Le gazou, mais un gazou professionnel. Hey, c'est mieux que le gazou, comme tu disais tout à l'heure, qui ne sert qu'à souffler. Mais qui ne sert qu'à souffler. Et souffle-toi maintenant. Ah ouais. Excusez-moi, c'est pas ça. Ben non. Mais quand même, ça demande un professionnel du rythme. Ah, ça, c'est nous. Ah, ouais, c'est nous. Et puis, on peut... Je vais faire, dans quelques semaines, là, les plus grandes chansons mondiales jouées au gazou et chantonnées par le gazouilleur de compagnie. De compagnie, comme le chien. Comme le chien de compagnie, oui. Sauf que le gazouilleur de compagnie, le chanteur de compagnie, lui, est propre. Quoi que, pas certain. Je vais regarder, puis il en peut aussi la litière du chat. Hey, si, c'est belle observation, mon petit champion. Merci. Le champion numéro 2, ouais, celui qui va ouais, dans la litière, il n'est pas tout à fait propre, non. Monsieur le Président, ça c'est l'interne, les gens n'ont pas besoin de savoir ça, la propreté de si tu vas dans la litière ou pas, si tu ramènes le journal, si tu as peur de l'eau. Bon, Monsieur le Président, quoique moi j'ai peur des oignons. Oh mon Dieu, hey, surtout quand tu te montes au nez. Ah, j'ai peur des oignons, mais ça me rappelle ma première aventure. Ah, c'est en 1972. Ah, j'étais peinard, comme la péniche. La péniche est peinard, ben c'est souvent la péniche attend. Le chevalet est là, il mange son foin, la péniche est sur sa roulette. C'est roulette, c'est sur, ça roule comme sur des roulettes, mais elle roule pas. Fait qu'elle attend, insignifiante comme ça, là, t'auras jamais vu une péniche où je dis, ah, inerte, comme le Québécois moyen qui attend quelque chose. Il sait pas quoi. Il a joué des loteries puis il attend. Il attend quoi? Il attend le gros lot pendant toute sa vie. Ah, on sait jamais! On sait jamais. Si je te dis que je le sais, moi. Non! C'est impossible! Faut gagner de l'argent. Ben, l'argent. Nouvelle religion. Yes. Monsieur le Président, l'argent, prenez l'argent, gardez-moi la tête. Monsieur le Président, oui, dis-le, monsieur, il n'est pas trop catholique, et vous, chers résidents et résidentes impudiques, bienvenue à l'émission de variété indépendante francophone Errance Rénaldienne. Continuez à gratter, ma Gertrude. Ben oui, si ça gagne. Si ça gagne, oui, monsieur. Il y en a un qui gagne, puis c'est pas celle qui gratte. Oh, c'est qui? Ben c'est l'autre. La gouvernement. Bienvenue à la douce rénalité, à l'histoire finement improvisée avec moi-même, votre court-circuiteur de réalisme, Reynald Le Néant Gagné. Oh, c'est... Hey, si tu savais, toi, comment on peut être heureux dans le néant. Ah! Moi, c'est l'endroit où ça, qui me réconforte le plus dans toute la plénitude qui nous gravite autour depuis des millénaires. Non, c'est des millénaires. Oh non, des millénaires. Oui, c'est comme la belle chanson. Bille après bille, je suis triste. Bille après bille, je m'ennuie. Rouge après rouge, très triste. Mais non, pas rouge après rouge, hein, monsieur. Je suis dans le rouge. À quoi bon faire cette émission, Rita aussi? Hey, Rita, t'es dans le rouge. T'as pas de. T'es dans le. Bon, on est là pour t'appuyer, ma petite championne. Arrête de pleurer. Elle pleure pas, Harry. Harry? Elle est comme la rotte. La rotte Harry. On l'a déjà fait, celle-là, hein? Elle était meilleure, là. Mais à quoi bon faire cette émission si on ne se rend pas ridicule, là, librement inspiré d'une citation de Virginia Woolf? Attention. Attention. Un petit peu d'eau. Monsieur Grand Prix. Madame Michaud. Madame Michaud. C'est quoi, c'est mi-froid, mi-chaud? Mi-froid, mi-chaud, excuse-moi. Attention, madame et messieurs et mademoiselles et les autres. Facebook veut manipuler vos informations pour les divulguer aux extraterrestres qui viendront vous chercher pour éditer votre entité à volonté. Grosso modo, ce qu'on veut dire par là, dans un langage clair et précis, pour être compris de tout le monde, autant le mésadapté intellectuel que le cultivé renfrogné par ses connaissances trop profondes. Pas mieux, cela, là. Il sait, mais il se demande pourquoi il sait autant de choses, tandis que l'autre à côté est dans un moins que moyen. Oh, un moins que moyen. Un zéro pointé vers l'infini, de connaissances presque abrutissantes de ce qui n'est pas important. Oh, qu'est-ce qui n'est pas important? Ben, c'est ce genre de connaissances. C'est-à-dire quoi? Oh, le sport, ça peut être intéressant. Oui. Mais le macramé, là, c'est savoir qu'en 1997, Marjolaine Lemieux a gagné son premier cours de macramé. Ah! Elle tricotait là, tellement serré là, qu'elle restait coincée sur sa chaise. Ah, c'est-tu vrai? Bien, c'est la vérité. Vrai, c'était écrit dans le journal. Le journal paroissial. Ah, mon Dieu! En avons-nous un exemplaire? Non, ça a tout été brûlé parce qu'elle était tellement gênée. Quand son mari a vu ça... C'était pas son mari? Non, à l'époque, ça l'était pas, mais elle courtisait cet homme-là. Quoi, par sa beauté? Non, c'est, on va revenir à l'argent parce qu'il y avait de l'argent. Il y avait de l'argent. La pile d'argent. Lui, il avait pas mal aux fesses. Il avait tellement le côté confortable du fessier qu'il se reposait sur ses billets de dollars. Qu'est-ce qu'il a fait? Ah, il a fait de l'argent. Il a fait de l'argent. Qu'est-ce qu'il faisait? Il enterrait du monde. Hein? Oui, c'était un enterreur professionnel. Ah, oh, mon Dieu. Il enterrait qui? Ben, normalement, c'était des morts, là. Un peu plus cher, c'était des vivants. Des vivants? Ben oui. Ça a fait des téléséries extraordinaires, des documentaires. Ah, c'est... Avez-vous le documentaire, celui qui avait enterré son portefeuille vivant? Vivant? Vivant, avec tout le reste, là, les chèques, le chéquier, le crayon pour signer ses dites chèques, c'est quoi dites chèques, oui. Sa monnaie courante. Ah, mon Dieu! Et puis même, attention... Même sa carte de crédit. Oh! Là, les cartes de crédit, c'est pas mangé par des verres, ça, là. Non, c'est mangé par des banquiers. Les banquiers mangent ça. Ah, c'est comme un guichet automatique, ça. Ça clone ça dans les dents, là. Puis c'est grâce au plombage. Les plombages, là, peuvent enregistrer tous les numéros de série des cartes de crédit. T'es-tu malade? Oui. Ah, oh, je suis très malade. Moi, j'ai attrapé le suppositoire hier au soir. Avec qui? Non, bien, j'avais la grippe, mais je me suis dit, avant de l'attraper, je le sentais. Pas le suppositoire, mais je chantais que la grippe allait venir. Oui. Et puis donc, je me suis préparé avant. C'est-à-dire? 3 ou 4 bons suppositoires. Ah, oh, ça fait du bien. Ça fait du bien. Ben oui, ça te prévient de la grippe. Ouais, mais tu l'as pas. Ben non, je ne l'aurais pas non plus. Grâce à mes suppositoires. Eh, monsieur. Non, écoute, quand tu ne sais pas quoi faire, là, le jeudi avant l'errance canadienne, 3 ou 4 bons suppositoires, ça te remet le Québécois, là. Ouais. Quoi que, c'est pas bon pour la santé. Hey. Arrête-moi ça. Est-ce que j'ai l'air d'un pétant de santé? Ben, tu pètes, mais peut-être pas de la santé. Ben ouais. Regarde-moi. Ah, mon Dieu, est-ce que je suis obligé? Ah, non, non. On est obligé de rien, hein. Moi, je t'oblige pas. C'est comme tu veux. Alors, on l'a dit sur Facebook, hein. Vous pouvez être manipulé, enlevé par les STS, puis être cloné. Puis si vous êtes cloné, ben, vous me le direz parce qu'il. Un clonage d'une personne équivaut à une carte de membre de CKRL, hein. Ça marche pas, nous autres, là, parce que vous avez été cloné, vous êtes pas obligé d'être. Non, non, non. Clonage égale la carte CKRL. Fait que si Mme prenons par exemple Mme Bibelot qui s'est fait cloner 8 fois à des âges différents, mais à partir de 20, hein, 20, 17, à 15, à 13, bon, hein. Mais tous ces gens-là doivent avoir la carte de CKRL. C'est pas parce que l'original est membre que tous les autres sont membres, là. On peut pas rajouter des noms là-dessus, là, sinon ben il va falloir repenser. Là, je vais aller à la grande conférence CKRLienne. Pour soumettre quand même le projet, parce que de plus en plus, on est de plus en plus de clones. Non, c'est pas des clones qu'on retrouve, c'est des clowns. Mais c'est vrai, il y a des clowns. Hein. Les clowns, c'est des gens qui savent pas qu'ils sont clonés. Ah, oh, c'est la merde. Mais il y en a plusieurs. Plusieurs clones. Ah, ben, il y a clones. Il y a clone de la fortune. Claude Lafortune, non, on ne connaît pas. L'absurde aventure. C'est qui, Claude? Ben, c'est celui qui fait du bricolage. Ah, oh, oh, oui, avec des cartons. Non, avec des ciseaux. Oh, l'absurde aventure de l'errance rénaldienne. C'est vrai, c'est mieux couper avec des cartons que. Non, non, si tu coupes. Essaye ça, toi, tu vas voir, ça ira pas loin. Ah, oui. T'as bien raison. Il faut couper avec des ciseaux, pas avec des cartons. Ah, je connais pas ça, l'univers du bricolage. Ah, je n'ai jamais rien bricolé de ma vie. À part quelques textes poétiques. Tu bricoles des textes poétiques? Ah, ben oui, je suis une âme très sensible, un peu comme le ruisseau au bord du tunnel, près de la semence qui nous amène autant de pureté langagière que symbolique. Hey, c'est beau, ça! Ben, merci beaucoup. Et là, c'est même pas un poème, ça, là. C'est pour introduire le poème. Ah, mon, un prélude. Oui, quand ça introduit, c'est normalement un prélude vers quelque chose d'assez extraordinaire. Quelque chose? Ben oui, quelque chose, là, un mot, un texte. Oh, un texte. Enlève le quelque chose pour un texte, OK. On va l'enlever. Peux-tu l'enlever, Ginette? Peux-tu enlever le quelque chose puis mettre, disons, une narration? Est-ce que tu préfères la narration? Est-ce qu'on peut avoir... Pourrait-on avoir un pourparler? Pourparler? Non, non, non. Ici, c'est pour manger. Ah, ben pour manger. Là, on va manger puis on discutera après. On va réfléchir parce qu'on peut pas le faire la tête vide. Non, c'est le ventre vide. Ah, moi, la tête vide, le ventre vide. Tout est vide. C'est un brown-out. Ah, mon Dieu. Pas un brown-out. Non, burn-out. Un brown-out. L'absurde aventure de l'errance rénaldienne s'ouvre à l'instant. Qu'est-ce que c'est ça? Ben, c'est un vide total. Oh, autant spirituel. Spirituel. Un vide spirituel. J'ai jamais eu ça, moi, la spiritualité. Moi, je m'éloigne de tout ça. Ça fait peur, la spiritualité. L'absurde aventure de l'errance rénaldienne. Oui. Elle me regarde. Je sais pas pourquoi, là. S'ouvre à l'instant, nous marcherons. Je pense que, quoi, le magnéto fonctionne pas, les caméras fonctionnent bien, notre belle lumière. Imaginez-nous, on place une lumière pour faire de la radio, c'est extraordinaire. On n'a jamais vu ça partout, nulle part ailleurs. Pas partout, nulle part. Nulle part et partout ailleurs. Ça, c'est sans parler de mon merveilleux micro que j'ai relaté l'histoire il y a quelques semaines et puis tout ce qui s'ensuit. Alors, nous marcherons ensemble, nous défricherons les chemins narratifs et voici le pit. Oh. Où est le pit? Il est ici. Pit, oui, Brad. Brad Pitt. C'est merveilleux. Le grand succès. Je me sens comme Zemphir, mais au gazou. Il vous interprétera les plus grands classiques de la musique mondiale. Eh bien sûr. On peut même pas monter des aigus. Non, c'est la voix, il faut que ça suive, hein? Pas de voix, pas de ukulélé avant. Alors, nous marcherons ensemble, nous défricherons les chemins narratifs et voici le pitre qui change les chapitres diégétiques. L'avez-vous retrouvé? Le thème? Why? Yesterday? Yesterday! Yesterday! On a walk in a so far away. Quand tu sais pas les paroles, hein? My way, my way. Oui, monsieur. Et quand je l'ai reçu, là, y a comme une capsule là, qui se dévisse. Et là, j'ai soufflé dans le truc. Là, ça ne mettait pas de son. Et la capsule a levé en l'air et il y a un petit plastique qui sert à créer le gazouillis. Là. Si je l'enlève, il n'y aura rien. Quoique, je devrais l'essayer. Moi. On va le faire ici en direct. J'enlève la petite capsule. Elle est emportée par le vent. Oh, peut-être que je l'ai perdue. Ça serait triste. Hein? Ah oui, ça enlève le bruit. Alors, où est la capsule, madame? Elle est partie. Elle est ici. On va la garder. Ça vaut de l'or. Oui, monsieur. L'or, c'est une petite une petite feuille. Oui, mais avant que le chaos arrive ici, là, elle est en dessous de la console. Alors, consolez-vous, madame, elle est juste en dessous du clavier. Clavier console, en tout cas, c'est qui manipule le son et qui nous amène à nous des auditeurs aussi rigolos que respectueux. On a un bon public, on les remercie. Ils sont tolérants. Tolérants, non, oui, ils nous tolèrent. C'est vrai, non, mais c'est parce qu'ils n'ont pas trouvé la fonction off. Off, ben pour fermer. Ah, c'est, ils ne peuvent pas fermer la radio, ben non. Maintenant, comme on dit là-bas, ils sont scotchés. Oh mon Dieu, scotchés à quoi? Ben, à leur chaise. Puis là, ils essayent. Oui, parce qu'ils veulent se rendre jusqu'à la radio. Pas capable. Pas capable. Ça n'existait pas capable, mais eux autres sont pas capables. Ils forcent, là. Il est déjà quand même minuit et demi, hein. Puis, minuit et demi. J'ai pas le gazou. Pas capable. On m'a resté pendant 2 heures, là. Mais là, après le 2 heures, êtes-vous capable? Ah, mais là, au pire, je vais me tirer en bas de ma chaise. Et il va se tirer. Imaginez-vous les ambulanciers à 2 heures du matin. Ils vont passer à Québec à droite puis à gauche. Les gens vont savoir tirer en bas de leur chaise, casser des jambes, des margoulettes, des nez, des bouches, des langues. Casser des langues. Il y en a qui cassent leur français, là, mais cassez des langues. Madame Thibault. Nous marcherons ensemble, nous défricherons les chemins narratifs et voici le pitre qui change les chapitres diégétiques. Votre itinérant langagier, Reynald Gagné. Aujourd'hui, le vendredi 9 décembre 2011, l'errance et les errances rénadiennes présentent plusieurs routes pour nous et entre nous. Nous rencontrons aujourd'hui la dramaturge et dessinatrice Dorothée de Monfray. Dorothée de Monfray est une illustratrice et écrivaine française née en 1973 à Paris. Diplômée, je sais qu'on dit à Paris, mais j'aime bien dire à Paris. Hey, l'hélicoptère! Ils s'en viennent, c'est titre bonjour, bonjour! Non, avec les mains. Oh, bonjour, comment on dit bonjour avec les mains? Ben oui, envoie les mains, il va atterrir. Il passe tout droit. Insignifiante, oui. Je t'ai dit d'envoyer, ben tu m'as dit bonjour. Ben, on peut pas dire bonjour, fais des signes de bonjour. Ben, arrête, il faut pas dire bonjour. Ma bonjour, toi. Des signes de détresse, c'est pas mon Dieu, ils viendront pas de même, là. C'est oh oui, les bras en l'air, puis oh oui, comme si tu dansais, là, les bras en l'air. Non, c'est quoi la chanson, donc? Oh oui, donne-moi ton cœur. Non, c'est YMCA. Là, l'hélicoptère est passé, là. On va rester collés dans ce studio jusqu'à la fin de nos jours. Qu'est-ce que j'ai fait? Hey, la prochaine fois, pratique-toi, là. Pratique-toi. Ben oui. Oh oui, comme ça. Ah, c'est bon, ça. Oh oui, ben, les mains. Oh, c'est excellent. Alors, si tu entends l'hélicoptère, là, tu y vas. OK. Est-ce que je dois attendre ton OK? Attends mon OK. OK. Hey, non, arrête. C'est pas parce que j'ai dit OK, là. Prépare-toi. Relax. Baisse les jambes. Baisse les bras. Baisse tout. Bon. On va attendre. Si on voit l'hélicoptère, tu te prépares, on y va. OK? C'est comme ça. Tout est sous contrôle, madame. Pouvez-vous aller au fond des choses, monsieur Grenier? Oui, merci. Je crois que c'est assez fond. Hein? Plus fond qu'on ne peut pas aller plus au fond que ça, là. Sinon, on va aller dans la caverne. Oh, mon Dieu! La caverne d'Ali Mama. Oh! Dans la caverne d'Ali Mama, il y a des mamans. Toutes les mamans! Merde, c'est mon gazou qui m'a lâché. Est-ce que je peux tirer un peu là? Oui, on y va. Essaye de trouver. Oh, il est là. Hey, voilà, le micro-lit, en direct. C'est merveilleux. Là, on a rentré ça comme ça. Il y a un petit peu de vent qui passe devant nous parce que pour nous aérer l'esprit, on va mettre le bouchon et. Non, vous pouvez parler entre vous pendant que le gazou va tenter de se réparer. Oh! Oui, c'est merveilleux. Alors, toutes les mamans. Bon, merveilleux. Alors donc, oui, l'école de loisirs Paris, oui, parce qu'on aime ça dire Paris. Oh, l'hélicoptère, c'est le bon road. Faites des signes. Nous sommes là. Ouais. Admettons qu'on est là. Admettons qu'il y avait l'hélicoptère. Admettons qu'ils vont nous retrouver. Mettons qu'on va partir d'ici un diplômée des arts décoratifs de Paris, elle a écrit et illustré plusieurs ouvrages pour les éditions L'École des loisirs, dont la collection des cocos. Elle, c'est un peu ma vie, ça. Toute ma vie, on m'a appelé Coco. Hey, mon Coco, Coco! On en connaît un Coco, lui. Elle est aujourd'hui... Non, je ne vais pas plus loin. Coco, t'es un coco. Et elle est aujourd'hui à la fois auteure, illustratrice, hein, on dirait un... Comment ça s'appelle ça, donc? Je sais pas, un début de chanson. Oui, mais un jingle. Oui, c'est un jingle d'une certaine radio il y a quelques années. Alors, elle est aujourd'hui à la fois auteure, illustratrice... Pour les connaisseurs, là, ceux qui sont nés à Québec et qui ont connu les bonnes années, c'est une radio de la Rive-Sud. Alors, elle est aujourd'hui... Elle n'existe plus. Elle est aujourd'hui à la fois auteure, illustratrice et graphiste dans les éditions. Elle a participé à l'aventure de la revue Capsule Cosmique. Depuis 2000, Dorothée de Monfray se consacre exclusivement à l'écriture et l'illustration d'albums pour les enfants. Elle s'est aussi prise de passion pour le ukulélé. Aujourd'hui, son ukulélé ne quitte plus sa table de dessin, à dessin, et apparaît régulièrement dans ses livres. Elle travaille et vit à Paris, et Rance Renaldiel rencontra cette créatrice, en juillet 2011, à Paris. Super! Extra! Catch! Mon nom, c'est Jackie. C'était un samedi. Avec la R5 Tuny, on était de sortie. Hey! Caisse qui attire les fesses, même les petites gâteaux, on oublie d'aller à la messe. Hey! Super et ça gueule. On baille le sous-mat, on y a fait une virée. Les gens t'en a lu, histoire de se la péter. Hey! C'est là que je commence à rire. Un sang dans les bleds, mais ouais, c'est ça mon délire. Super, et ça gueule. Coco évolue? Il vieillit pas. Ah, comme Tintin. Pour l'instant, il vieillit pas. Est-ce qu'il évolue? Probablement, parce que non, mais, souvent... Non, mais pas évoluer, mais est-ce qu'il grandit? Est-ce qu'il devient... oui, est-ce qu'il évolue? Oui, effectivement. Bah donc, il ne vieillit pas en âge, mais probablement il évolue en caractère, parce que je fais toujours des sujets qui me trottent dans la tête. Donc, comme moi, j'évolue, je vieillis, ça m'influence pour faire d'autres histoires différentes, quoi. Mais alors, j'ai pas assez de recul pour analyser ça et pouvoir le décrypter. Et tu l'as commencé il y a combien d'années, Coco? Je sais même plus. Ça fait un moment. Hein. Je crois que j'avais pas encore d'enfant, donc ça doit dater de peut-être 2003. Donc, ça fait quelques années, ouais. Et les autres se sont annexés rapidement. Les autres Coco t'ont inspiré. Coco t'a inspiré d'autres choses. Ben, j'avais pas prévu de faire une série. J'en ai fait un, deux. Et puis après, je me suis dit, tiens, j'ai encore envie d'en faire, etc. Et de fil en aiguille, ben voilà, maintenant j'en ai beaucoup. Est-ce qu'on réclame du Coco? Est-ce qu'il y a des enfants qui. Ouais, maintenant le personnage est assez connu. Les gens me demandent toujours. Est-ce que tu vas dans les écoles avec tes livres? Je le fais un petit peu. Pas trop, parce que c'est pas tellement mon truc d'aller dans des classes. J'aime bien voir des enfants, mais je préfère voir des enfants individuellement ou dans d'autres circonstances. Mais je le fais parfois et c'est assez rigolo de voir... Dans les salons du livre, entre autres? Salon du livre, ouais, ça je okay. fais. Alors les enfants viennent te voir, signature. Je vois les yeux qui s'allument quand ils voient c'est la livre. Dame qui... Parce que les gens connaissent pas forcément mon nom, non. mais ils connaissent les bouquins. Oui, mais dans le visage non voilà. plus, hein? Ah, non, c'est la dame qui crie, c'est la dame non, ils qui... savent pas, voilà. Oui, c'est ça, c'est la dame de Coco, c'est ça. Maintenant, il y a des enfants qui me disent... Oh, mais c'est ce que je disais quand j'étais petite, des grandes ados. Oh, alors là, je dis, oh là là. Oh, là, c'est un coup de barre. Depuis 1 ou 2 ans, j'ai des ados comme ça. Ça me fait qui ont grandi avec Coco. Bah ouais. Est-ce que tu crois que ces gens-là vont suivre, même dans le monde des adultes, le personnage de Coco? Faudrait que je fasse un Coco pour adultes pour ça, parce que sinon... Non, mais si... Les gens, ils suivent pas le nom de l'auteur quand c'est des trucs pour les tout-petits. Okay. On connaît vraiment le personnage avant tout. Donc, ils vont pas forcément faire le lien si je fais un bouquin pour les adultes et se dire c'est la même personne qui faisait Coco. OK. En revanche, un Coco pour les plus grands, pourquoi pas? Ben, éventuellement, s'il ouais. grandit... Mais j'y pensais, j'ai une petite idée... Ah oui? Non, mais je vais pas le dire. Ah non, mais non, mais on dévoile absolument aucun secret. Mais là, tu me dis qu'il est que tu prépares un nouveau Coco. Ben, oui. Il est terminé, c'est ça? Il est terminé, oui. Un coloriage, un co-coloriage. Okay. Donc, okay. Il sera une histoire à colorier, en fait. Donc, c'est un vrai livre avec une histoire, avec un début, une fin, un milieu. Et les enfants vont pouvoir devenir des artistes. Ah oui, ils peuvent carrément peindre parce que c'est des très, très grands formats sur un papier spécial un peu épais. Et ensuite, on peut détacher les pages pour en faire des posters si on a envie. Oh, alors c'est bien. Ça voilà. crée l'imaginaire auprès des enfants. Voilà. Et tu en feras peut-être certains Picasso à travers tout ça. Il y aura sûrement. Des... Oui, et c'est grâce à ce personnage de Coco. Mais qu'est-ce qui t'anime lorsque tu fais des bandes dessinées? Qu'est-ce qui t'alimente? Qu'est-ce qui t'amène à faire ce ça, que c'est, tu fais. Ça, c'est le grand mystère. Je ne sais jamais trop. Hein. Quelquefois, OK, t'es chez toi, puis ça vient... Quelquefois, c'est un truc que j'entends dans la rue, une image mentale, je ne sais pas d'où elle vient, ou alors je vais m'en rendre compte un an après. Je me dis, ah, mais oui, en fait, ça vient de là, mais au moment où je le fais, j'ai aucune conscience de là où ça vient et pourquoi je le fais. Je ne sais pas du tout. C'est un peu comme les rêves, c'est une espèce d'alchimie bizarre. Et après, une fois que je tiens... un projet, c'est-à-dire que je me dis ouais, ça m'intéresse, telle image, telle situation de départ, je la lâche plus. Là, c'est là que mon côté raisonnable et réfléchi intervient et pour tirer le fil de l'histoire. Mais au départ, je ne sais pas trop d'où ça vient. Alors, tu es une fille, malgré la création, assez cartésienne. Bah, sinon, je finirais jamais un livre. Ça fait des années. Que dis-je, des siècles. Et même des millénaires. Il existe une guerre sans pitié. Entre les gens de ce village... Ouais. Et ceux d'à côté... Ouh. Assez bon de taper sur son voisin. Avec les Bredeler, on était à Strasbourg. Qu'est-ce que c'est qu'une belle femme à Strasbourg? Bah, c'est une touriste! Et pourquoi pourquoi les gens de Brouvillers, ils ont des grandes oreilles? Eh ben, je sais pas. Eh ben, c'est simple. Quand ils étaient ptios, ouais, les parents, ils les emmenaient au col de Saverne, ils les prenaient par les oreilles, ils leur disaient « Regarde comme c'est beau, la plaine d'Alsace !» Tu es comme vos sorts pourris, hein. Eh, quand je descends à Alsace, col de Saverne, toujours en marche à air, hein. Tu sais pourquoi? Pour partir plus vite. Quelle est la différence entre un Mosellan et du chocolat? Eh ben, eh, le chocolat, ça constipe. Et les Mosellans? Ben, il nous fait chier. Et c'est quoi un Alsacien dans le lac de Xonruplongemer? La pollution, gars. Ben ouais, c'est dégueulasse. Et c'est quoi tous les Alsaciens dans le lac de Gérardmer? La solution! Différence entre un Lorrain et une église? L'église est consacrée. Eh ben, Lorrain est sacré con. Quelle est la différence entre un gars de Schirmeck et un gars de Saverne? Moi, je sais pas. Moi non plus. Des choses, M. Grenier? Oui, nous y allons au fond des choses. Merci, chers paroissiens et paroissiennes de cette musique. Comment ça? Ben, ces invités. Oh! Là, ici, c'est quoi le lien entre paroissiens et paroissiennes? Là, ici, maintenant, attribuons la place à mon ami Charles Bukowski. Offrons-lui un petit coin de bar. Laissons-le nous suggérer une improvisation à partir de la première phrase d'une de ses nouvelles, extrait de son recueil con. Qu'on le dise, nous le dirons. Bref, cessons les traductions et entrons dans l'antre de l'oncle Buck et la nouvelle. Pardon? Tu comprends pas le français? Je comprends très bien le français, mais je pige pas le rénaldien. Oh! T'as pas le décodeur rénaldien? Ah non, on peut pas l'avoir. Pourquoi? Ben c'est indiqué, hein? C'est anarchiste. Comment vous avez dit ça? Donc, anarchiste, pamphlétaire, révolutionnaire et sanguinaire. Sanguinaire? Sanguinaire. Sanguinaire, oui. Comment? Je ne comprends pas la sanguinaire. On n'est pas des vampires, non? Alors, le titre de le roman. En fait, le recueil, c'est « Contes et nouvelles ». Et puis bref, ce sont les traductions et entrons dans l'angle de l'oncle Buck. Hey, « Monsieur, tu cales, je cale. » Non, avec ma bouée de sauvetage, je ne pourrai jamais atteindre le creux. Paraît-il, c'est indiqué. Ne touche pas le fond. Oh. Sauf l'état mental. Ah, ben ça fait longtemps que ça a touché le vol. C'est pas le titre, on va dire la nouvelle. Première phrase de la nouvelle de M. Bukowski, c'est « Je suis assis ». Je suis assis. Si je suis assis, je ne suis pas debout. Jamais debout. Je comprends pas. Alors, je suis assis à la fenêtre et les éboueurs arrivent. La petite vie. Alors, je répète, German, s'il vous plaît. Oui. Je suis assis à la fenêtre et les éboueurs arrivent. M'arrive à la mémoire en regardant le beau sapin constipé. Oh! Constipé puisqu'il ne reste presque plus d'épines après le sapin. Ah ben non! Après le sac à ordures. Après le sapin, voyons donc, oui. Ok, là, je regarde bel arbre de Noël, le faux arbre de Noël, parce que moi, j'haïs ça, ces arbres. Les arbres de Noël, moi, là, j'en ai en tiré ça à tout jamais, moi. Je brûlerais tous les arbres de Noël, là. Enfin, je regardais l'arbre de presque Noël, avec presque plus de pines, de petites piqûres, là, de comment t'appelles ça, des aiguilles, plus d'aiguilles. Quand tout à coup, au loin, vois-tu pas le camion, le gros camion qui amène les ordures. Oh mon Dieu, j'avais pas sorti mon ancien colocataire. C'est une méchante ordure, ça. Une méchante ordure, ça va. C'est une pollution à deux pattes. Là. Je voulais mettre dans les sacs puis couper chaque membre. Là. J'avais pas de temps. Là, je voyais au loin le camion. Je vais mettre ça dans une boîte. Je pouvais même rentrer ça dans une boîte, cette affaire. Ça valait pas la peine de dépenser une boîte pour cet ignoble personnage. Oh. Donc, j'ai réfléchi à quelque chose, un stratagème des plus efficaces. Aïe, aïe, ça fait mal. Ah, moi, quand la calotte commence à rouler, là, c'est comme Polycasmer. Tu connais Polycasmer? Non. C'est le grand comédien Polycasmer. Ben voyons donc, il a joué dans quel film? Oh, mon Dieu. Le royaume de Ranoré. Oh. Ainsi soit pile. Oh. Et la face me tomba. Ah, ça, c'est la suite. Oui, c'est Ainsi soit pile. Et le deuxième film, c'est La face me tomba. Oh. En haut de la cime, il n'y a plus rien qu'un creux. Oh, ça m'a l'air d'être intéressant. C'est merveilleux. C'est des films d'auteur. Hein? En haut de 3 mètres, là, tu peux pas voir ça. Oh, ben alors, c'est des très grands films. Très, très grands. Très, très hauts, surtout. Ça survole là, la matière grise et ça ne veut jamais descendre. Donc, ça plane pour moi. Ça plane pour moi, moi. Ça plane pour moi. Ça plane pour moi. Hey, là, ça plane tellement dans ce genre de film-là là, que tu vois au loin la finition quand la... Comment t'appelles ça? La descente? Ben oui, moi, j'appelle ça une glissoire. Quand la glissoire se monte le bout du nez. Ah! Puis là, au bout de la glissoire, c'est quoi? C'est l'intrigue qui se dénoue? Non, pas dans les films d'auteur. Pas du tout. C'est le générique! Oh, mon Dieu! Là, ça, c'est très court, le générique, parce qu'il y a le réalisateur, il y a les deux comédiens, puis il y a le cameraman, ou le preneur d'image, mais au Québec, il y a quelqu'un qui disait que le chasseur d'image. C'est beau, hein? Ah, c'est très beau. Alors, il y a le comédien, il y a les deux comédiens, le réalisateur, et le chasseur d'image. Ouais, mais le scénariste. Le scénariste, normalement, dans un film d'auteur, c'est le réalisateur. Oh! Le metteur en scène? Le metteur en scène, c'est le réalisateur. Oh, puis le réalisateur? Le réalisateur, c'est le réalisateur. Et puis les comédiens? C'est pas le réalisateur. Oh! Là, c'est des phrases totalement ficelées, là. On va vous créer un exemple d'un film d'auteur. Ah, mon Dieu! Sommes-nous à la hauteur? Nous serons à la hauteur. Si vous pouvez mettre Mme Écho 18, 34? 34? Il y a 18. C'est, non, pas celui-là. J'aime pas cet écho-là. Attendez, lui... Pourquoi il y avait plus d'écho tout à l'heure, puis là, il y en a moins? Un, deux? Il y en a plus? Ah, OK, c'est comme ça. Ah, là, il va en avoir. Ah, il y en a. J'aime ça. Alors, ça se passe dans un cylindre de papier hygiénique. Ah, bon, c'est-tu certain? Oui, on va enlever l'écho. Là. Je vais vous mettre un peu en situation. C'est des petits hommes de grandes envergures, qui sont coincés dans un papier, dans un carton, un cylindre de papier hygiénique, de carton hygiénique. C'est du papier ou du carton? Ben, au-dessus, il y avait du papier, mais il n'y en a plus. Donc, ils sont emprisonnés dans un cylindre de carton hygiénique, les deux protagonistes. C'est deux gars, mais un qui, en tout cas, va dévoiler l'éclaircie du film. L'éclaircie, ben c'est quoi? C'est le développement. C'est ce qui va conclure presque le film. Oui, mais il n'y a pas de conclusion. Tu m'as dit que c'est un générique. Ben oui, ben attendez. Avant le générique, là, c'est les deux dernières minutes. Ah, mon Dieu! Alors quoi? Nous sommes coincés là-dedans depuis presque 3h15. Oui, mais le film dure 3h30. Oui, mais il y a le générique. Oui, mais il n'y a que trois choses à présenter dans un générique. On le sait, le gars l'a dit tout à l'heure. Oh, mon Dieu, c'est vrai. Nous devenons redondants. Oh mon Dieu, redondants, la bedaine, le petit jupon de laine. Et puis par la suite, quoi? Comment trouver le tunnel? Au bout du papier. Il n'y en a plus de papier. Et c'est ça qui est intriguant. Ben non, nous sommes coincés là-dedans. Oui, mais on a trouvé une petite lumière. Ah ben oui, Rita vient de l'allumer. Nous allons essayer de nous enfuir. Ah, mon Dieu, où allons-nous y arriver? Ben oui, c'est tout petit, hein? C'est un tout petit carton, là. Ben, c'est un tout petit. Moi, je mettrais combien de centimètres? 10 centimètres? 11 centimètres et demi. Ah, oh, mon. J'étais pas loin, très, très loin, parce que hey, le 1 centimètre et demi là, qu'il faut parcourir en moins de 30 secondes, c'est assez difficile. Hey, c'est vrai. Puis moi, tu sais, je suis unijambiste. Je n'ai qu'une jambe et c'est celle de gauche. Ah, oh, bien, on m'a toujours dit que j'étais de gauche. Ah, c'est vrai. Même la jambe est de gauche. Ah, c'est... Et de Gaulle. De Gaulle et de droite. De Gaulle et de droite. De gauche à droite. De gauche à droite. De gauche à droite. Alors là, tu vas m'aider à sortir de là, toi, là, là. Bien, là, c'est la fin. C'est la fin. Alors, on se laisse glisser. Bien, non, c'est droit. Ah, oh, mon Dieu. On va se glisser vers le droit. Bien, voyons. Je t'ai dit que j'étais de gauche. Ah, oh, on va rester coincé là. Dans le milieu. Ah. Oh. Jusqu'à une Vintam Pamperman. Non, non. C'est un beau film. Ah, c'est un très bon film. Si on pourrait avoir la musique du jeune... C'est ça, le clou? Ah, le... Mais il n'y en a pas de clou. Ah! Philippe. Avant de te laisser chanter, nous allons divulguer le titre de la nouvelle de Charles Bukowski. Alors, on est-tu encore coincé? Non, il est des... vous l'avez délogé. Nous l'a délogé. Ben, et voilà, c'est maintenant le fond de la chose. Le titre... On va aller au fond des choses, oui, oui. M. Grenier? Oui, oui, nous y allons, mon cher monsieur. C'est le carnet d'un suicidé en puissance. Ah, mon Dieu. On n'était pas loin, hein? Ils ont manqué d'oxygène. Ben là, faut pas raconter la fin. Les gens n'iront pas voir le film. Ils sont coincés dans le tunnel. Dans le cylindre de carton. Ah, mon Dieu. Mais plus de papier hygiénique après ça. Hey, ça fait suer. Ça fait ça. Ça y est, on a chaud. Ah, c'est chaud, 350 degrés avec des petites patates vertes. Ah, des patates vertes? Ah, oui, oui, oui. Laissez-les 2 ans. Dans... En 2008, les gens se croisaient dans les airs, au volant de coléoptères, supersoniques, mais silencieux. En 2008, il y avait des immeubles mous qui se transformaient tout à coup au gré des climats capricieux. En 2008, les couleurs étaient incroyables, d'ailleurs elles étaient innommables, on en parlait comme des dieux. En 2008, se regarder au fond des yeux, c'était comme faire l'amour à deux. 2008, c'était comme ça, en 1978. En 1978, moi j'étais un petit garçon qui rêvait de 2008 comme le plus beau des horizons. Je nous voyais en 2008 avec nos têtes colorées en bleu ou en orangé selon ce qu'on aura mangé. En 2008, les couleurs seront incroyables, d'ailleurs elles seront innommables, il n'y aura pas d'autre dieu. Dans la rue, on s'embrasserait, ce serait comme si on se connaissait. 2008, c'était comme ça, en 1978. 1978, ce sera comme ça, en 2008. C'est un mélange entre les deux, quoi, de laisser se laisser un peu aller, laisser venir les trucs mystérieusement, et puis après être suffisamment cartésien pour aboutir les projets, quoi. Parce que est-ce que tu serais du genre à t'en aller partout sans trop de préparation, avec plein de projets? C'est ça? C'est pour ça que tu dis que... Non, je suis pas trop comme ça. Okay. Non, je suis assez carré, en fait. OK. Une fois que c'est fini, on passe à autre chose. Ouais, ou alors j'en commence parfois un petit peu avant pour pas qu'il y ait de trous entre deux projets. J'aime bien avoir deux choses à la fois, toujours. Mais alors, c'est carré. Alors, t'as des choses en vue? T'as des choses déjà de préparer? Ben là, je suis en train d'écrire des nouveaux projets parce que j'ai passé quand même... beaucoup de temps sur Super Sauvage, donc j'ai fait peu de choses en même temps, là, pour le coup. Combien d'années, Super Sauvage? En tout, on a mis un an et demi, depuis la première idée jusqu'à la sortie du livre, en fait. Ça, c'est incluant l'enregistrement du DVD, du CD? Le CD, on l'a enregistré à une vitesse incroyable. On a tout enregistré en 2 jours. 2 jours, OK. Toute la musique, 13 chansons en une journée. Et ensuite, toutes les voix chantées en une journée. Et ensuite, on est revenu au studio pour faire les voix parlées et puis des petites guitares additionnelles, des petits trucs où on ne peut pas jouer 2 instruments à la fois, mais c'est tout. Mais les 2 voix, c'est toi puis ton être humain? Il y a aussi Philippe Crook qui fait la voix du chien, qui chante, qui est la voix principale, en fait, qui est un copain qui joue du ukulélé. Alors, il y a 3 voix? 3 voix, plus un quatrième, qui est le gendarme, qu'on entend un petit peu moins, mais qui est important. Et qui est joué par? Par Jeannot, qui joue aussi du ukulélé, qui a une grosse voix grave. Et lui fait le flic. Il fait l'autorité. L'autorité, oui, ouais, c'est ça, le surmoi, selon... Voilà. Et est-ce que tu crois, à un moment donné, faire un peu comme les Tintins, un personnage en Suisse, tu vas en Suisse et tu veux ramener un peu l'idée de ce que tu as vécu. Est-ce que tu comprends un peu ce que non, je veux dire? Je vois pas ce que tu veux dire. Je sais pas, exemple, ton chien, est-ce que le chien peut aller dans un autre pays et raconter un peu ce qu'il voit en tant que chien français? Ah, ça pourrait être une idée. J'avais pas pensé. Exemple, ouais. Tu viens à Québec. Pipo. Oui, c'est ça, à Québec, exemple. Okay? Tu viens au Salon du Livre. Et là, tu te dis, ouais, mais c'est contraire. C'est vraiment à l'antipode de ce que je vis, moi, en France, à Paris. Donc, tu peux faire vivre ton chien français à Québec. Dire, ah, c'est étrange. Pourquoi que nous, en France, on fait ça, à Paris, on fait ça, puis à Québec... Alors, donc, c'est le lien entre les deux. Ça pourrait être géographiquement intéressant et rigolo. Oui, ça pourrait être amusant, surtout que dans Super Sauvage, c'est la première fois que j'ai vraiment situé mon action dans des lieux qui sont assez identifiés, quoi. D'habitude, c'est beaucoup plus abstrait ou universel. Là, j'ai vraiment fait une ville. La rue qui est dessinée, c'est la rue à côté de mon atelier. Donc, on peut voir que c'est Paris si on connaît Paris, quoi. Donc, effectivement, je pourrais être délocalisée. Et surtout avec la langue, le jeu de la langue. Oui, ça pourrait être marrant. Les québécismes et le parisianisme, parce que ça existe. Donc, peut-être les 2 conflits, ça pourrait éventuellement aller dans plusieurs volumes. Ah, j'apprécie toujours ça quand je lis les albums de Paul. Oui, ben oui. Comment il s'appelle? Michel Rabaliati. Michel, oui. J'adore ça. Oui, alors donc... C'est ce que je connais. Oui, mais c'est pas fini. Ça peut continuer. Ouais, ça peut, pourquoi pas. Tu vas en Suisse, tu peux ramener le personnage. En Suisse, je sais pas, ouais, pourquoi pas. Ou en Belgique, où le chien n'est pas dans son air habituel, donc il transcende. Il essaie de lui aussi envisager de quelque chose de normal, de comprendre. Super sauvage au Tibet. Oui, ça peut être assez compliqué, oui. Et toi, avec ton futur groupe, mais même si ça n'existe pas, est-ce que tu crois faire de la scène en dehors de la bande dessinée? Bah, c'est ce qu'on va faire là, avec le spectacle qu'on a. Non, mais je veux dire, sans aucun lien avec la bande dessinée. Ah, je sais pas, pourquoi pas, mais pour l'instant, là, c'est vraiment l'occasion de ces chansons-là qui me permet d'envisager le spectacle. Après, si ça je continue... Ça dépend de l'envie de la scène, là. Comment? Ça dépend si tu te sens à l'aise sur scène. Ah, j'adore ça. Ah, tu l'as... Okay. J'adore ça. Bah, okay. Sinon, je chercherais pas par tous les moyens à faire un spectacle pour monter sur scène. Ouais, ouais, vraiment... J'adore regarder danser les gens. J'y retourne souvent. Bar du Luxor. Regarder danser les gens. Le vent des fonds, monsieur Grenier. J'adore. Péricultrices, administratrices, dessinatrices, les boulangers, les camionneurs, les policiers, les agriculteurs, les ménagères, les infirmières, les conseillères d'orientation, les chirurgiens, les mécaniciens, les chômeurs, j'adore. Regardez danser les gens. chanson. Et de temps en temps, je coupe le son. Et je remets le son. Je coupe le son. Je remets le son. Attention, je remets le son. J'attends. Les gens arrêtent de danser, ils se demandent qui a coupé. Ils commencent à m'encercler et là je me sens en danger. Alors je leur dis prenez-moi, faites de moi n'importe quoi. Pendez-moi la tête en bas. Regardez danser les gens. Oh, oh, j'adore, j'adore, j'adore, j'adore, j'adore, j'adore. Et je coupe le son. Et je remets le son. Et je recoupe le son. Oh. Mais le son, oui. J'adore. Et je coupe le son, comme le mentionnait Jim Morrison. Errance Rénaldienne, c'est l'émission la plus étrange à laquelle j'ai assisté de toute ma vie. Il l'a dit en 1973. Oh, il était pas mort. Non, il était pas très fort. Oh, cette semaine, il paraît. C'est ce qu'on m'a dit. À travers les branches. Les branches du sapin. Ben, c'est pas des branches. Il faut aller au fond des choses, oui. Monsieur Grenier. Ouais, on y va, là. Parce qu'un sapin, c'est pas des branches. Oh non, on l'a dit, c'est des pies. Des pies. Ah, tout un sapin avec des pies. Pies, oui, pies, pies. Non, non, c'est épuis, épuis. Ah, OK, des sapins avec des puits. Maman. J'ai un sapin. Oui. J'ai un sapin avec des pics. Des pics. Des épines. Bon, des épines. Oui, mais comme moi, j'ai... Depuis deux semaines, j'ai mal à... À l'épine, à l'épine. À l'épine de pas du pied, à l'épine dorsale. Oui, pine dorsale, pine dorsale, pine. Pin, spin, spin, spin, spin. Spin, spin, spin dorsale. Cette semaine. Ça va bien? Oui, spin, spin, monsieur. Spin, spin, spin. J'aime ça dire ça, spin. Ben oui, ça a l'air d'aimer. Ah, j'ai l'air d'aimer ça, moi. J'ai bien l'air d'aimer ça. De temps en temps, moi, j'ai les bleus. De temps en temps, moi, j'ai les bleus. Les bleus turquoises, les bleus marines, les bleus cipois. Les bleus cipois? Les bleus cipois. Les cipois. Il y a trois pois, quatre pois, cinq pois, six pois. Les de cipois. Je connais pas ça. Des, ben, il y en a des cipois. Ben non. Tu manges jamais de cipois, toi? Non. J'ai jamais mangé. Ghislaine, m'as-tu déjà m'a fait manger des cipoires? Mais hier au soir, hein, je t'ai offert des cipoires. Ben voyons donc, j'ai jamais vu ça. Ben oui, ça ressemble à des poires. Ben ouais, hein, ouais. Ben oui, c'est des cipoires. Ben là, ça, le cipoire. Cipoire, là, ça, cipoire. Non, mais c'est. Pouvez-vous aller au fond, oui, des choses, oui. M. Grenier? Oui, oui, oui, oui, oui, oui. C'est un fruit défendu. Dans son habitat naturel, ressemble à la poire. Ah, c'est moi, ça, c'est mes descriptions. C'est votre profil psychologique, oui. Et le cipoire, oui. Se prend pour une poire, oui. Et se tord la poire. Oh mon Dieu, c'est du cipoire, cipoire, cipoire, cipoire. Cette semaine, et ça, jusqu'à l'épuisement du concept, nous marche, ça goûte quoi? Ça goûte l'ananas. Oh mon Dieu, le cipoire à l'ananas. Non, non, non. L'ananas, c'est l'ananas. Le cipoire, c'est le cipoire. OK, lâche-moi le cipoire. Cette semaine, et ça, jusqu'à l'épuisement du concept, nous marcherons, squeezerons, éplucherons, déshabillerons, poursuivrons, élèverons à bras de mots celui-ci pour en observer la moindre couture, fissure, embouchure, angle, afin de l'inclure ou de l'exclure dans le château symbolique de la francophonie. Ça va bien, oui. Aujourd'hui, plaçons en garde à vue le mot ou le verbe. Ça, c'est un mot proposé par Coralie de la Fourquetière. Comment? Coralie, oui, mais Coralie de qui? Coralie de tout. Coralie, c'est fini dire qu'il y avait de nos travaux. Coralie, c'est fini. Et ne peut pas avoir d'autre amour. Coralie, c'est fini. Et Coralie qui? Coralie, je vais vous le dire, fauchez-vous pas, là, on va aller dans le fond des choses, monsieur. Pouvez-vous le dire, s'il vous plaît? Pouvez-vous aller au fond des choses, oui. Monsieur Grenier? Oui, merci. Alors, Coralie, c'est assez dans le fond des choses, ça, là. Ben, on comprend très bien Coralie, mais Coralie qui? Ben, on va vous le dire, monsieur. S'il vous plaît, restez attaché. Oui. Dévissez votre prothèse. Oui. Tombez vos yeux. Oui. Faites tomber vos paupières. Oui. Et puis, votre bouche, votre mâchoire, tout le reste, ainsi soit-il, plein d'œil toujours. Amen. Vous salut, Marie. Alors, c'est Coralie de la Fouquière. Bon, tu l'as eu. Oui, de la Fouquière. On voulait le dire, mais on n'était pas capable de lire. Ben oui, mais pas capable, ça n'existait pas. C'était indiqué sur une feuille. Ben, c'est tellement griffonné comme un spasme. Comment t'appelles ça, l'écriture? C'est typographique. Un spasme typographique. Hey, hein, typographique. Typo, mais moi, je vais de typo en typo. Hein. Je tente d'abréger les mots. Non, c'est d'abréger les mots. Et là, ça donne un titre, un nom d'une douce aimée. Que, douce aimée ma vie. J'en ai eu des amantes, ma vie. Je sais, on dit que ça revient. Ma vie, qu'il est long le chemin. Alors le mot, c'est concubin. Oh, et là, avec Coralie, il faut toujours décortiquer. Aller, comme disait le monsieur tout à l'heure depuis le début de l'émission, là, au fond des choses. Alors, concubin, c'est comme des clés que l'on doit couper et décortiquer. Tu l'as dit? Ben oui, décortiquer. J'ai le droit de leur dire deux fois. Ah, toi, là, c'est de la répétition à profusion. Mais j'aime ça, moi. Vous direz que ça fait de l'écho au niveau de la babine. Non, c'est pas au niveau de la babine. C'est au niveau de la matière. Ouais, oui, c'est, vous avez entièrement raison. Alors, concubine. Ben ça, c'est la majorité, là. La minorité écoute CKRL et adore ça. Les autres, ce sont les cons. Curateur public. Ah, mon Dieu, on a des curateurs publics dans notre société sans bon sens. Et puis, ben, comme, ben, concubin. Il n'y a pas si gentil ou flatteur qu'une jeune dame, une amoureuse, appelle son copain concubin. C'est comme une claque sur la mâchoire roulante. C'est la main qui roule sur la mâchoire. Et il se ramasse le visage à gauche, pied à droite, pied en bas, pied en haut. C'est comme la pâte à modeler. Et plus tu la modèles, plus tu la remodèles. Puis là, ça veut pas figer, hein. C'est de la mollasse, là. C'est de la pâte, là, qui est beaucoup trop liquide, là. Ça devient presque cimenteux, crémeux. Cimenteux, crémeux. Ben oui, cimenteux, mais pas assez cimenteux. Crémeux parce que trop liquide, là. Puis les concubins, le cubain, c'est beau, hein. J'aime ça. Aimer ça comme ça, là, je préfère haïr. Hein? Alors, allons placer. Alors, on ne sait pas. Allons placer. Allons placer dans la patrie. Le jour de gloire est arrivé. On se demande si le concubin fera partie du grand château symbolique de la francophonie. On va discuter entre... nous sommes 12 personnes. Si, oui, on va sais pas. On va aller au fond des choses. Regarde, il veut que ça. On fond des choses. On y va. Attendez, on discute, monsieur. Concubin, ça m'a fou. Il faut dire que c'est Coralie. Coralie, on l'adore, mais on ne peut pas dire qu'on va la placer dans le. On ne placera pas Coralie, mais le mot, parce qu'elle est implaçable, Coralie. Alors, nous avons délibéré et nous avons choisi de placer. Ah, mais c'est ça que tu voulais dire. D'inaugurer le mot concubin dans le château symbolique de la francophonie. Eh, hey, bref! Très chanceux, très chanceux. Alléluia! En pyjama. Your mouth, we rock tools. No hold bar, but obey the block rules. Got tools, put chlorine in record pool. Are there anyone like you? Hell no, I treat humans like students. Fail y'all, so turn your book to page 69 and start sucking. When organized drop the track and start ducking. When Ludacris get in a bed, stop fucking. You wanna be starting son? Get out the booth and let me tell y'all the truth. We kick down doors. Save all the H2O for front row. Live in the bank and watch for stank hole. Stay chromed out and that's on or off road. If you know what I mean, proceed to stay clean. Light skinned nigga turn red but get green. Inhale some of that drove and blow steam. Love a combination big ass and tight jeans. Cause it's too many niggas. Not enough hoes. Too many rookies. Not enough pros. The game got switched on some ludicrous shit. So all y'all can suck my D.I. Shot quick like that fool shot Kennedy. What's the remedy? Innocent coke. If you cut all your money, you still be half broke. Ashes to ashes, smoke or get smoked. We come by the masses, you come and get choked. If you take me for a fool, I'll take you for a dope. Tired of fast food, so they cooked up dope. So now we eating lobster, shrimp and things. And watch for imposters that's been in the game. We invented the game and y'all just got hip. Man, what's that smell? Probably your upper lip, cause I love to walk around like my shit don't stink. Even if it's cigars and that purple color dank. Stealing in the gut with no trace of Tom Hanks. So put this in your jaw like wieners and beef frank. Cause it's too many niggas. Not enough hoes. Too many rookies. Not enough pros. The game got switched on some ludicrous shit. So all y'all can suck my dick. A kid with a high top fade. Arrive to a show and I like to get paid. Arrive to a hoe and I like to get laid. Right up on my back like rugs and floor mats. I'm on the right page, but what's my format? I wave to the ocean cause I'm where shore's at. And women go nuts just like my bow's at. Did you know that? Man, I'm the gift of change. Electric stove, so give me the keys to the range. Shagadelic, beautiful but strange. Went to Magic City, saw Nikki and Blue Flames. Rearrange, same broad, different night. Pass the E and J and let a nigga get right. The bomb threatened dude that's on your same flight. The highlights that I live a high ass life. Cause it's too many niggas. Suck my D.I. B.I. Too many niggas. suck my D.I. Quand j'ai écrit l'histoire là, de Super Sauvage, c'était un peu dans le but de faire un spectacle au bout. Hein, donc j'adore. Mais j'adore aussi dessiner, donc je ne pourrais pas faire que de la scène et changer de métier, parce que j'ai besoin de solitude aussi. Et... Mais tu vas faire ces concerts-là, ces mini-spectacles-là, dans les écoles et sur scène, ou uniquement sur scène? Est-ce que tu veux aller dans les écoles? Je ne sais pas encore, en fait, parce que c'est le tourneur qui va nous organiser ça. Donc lui, il vous a déjà demandé de préparer quelque chose parce qu'il voyait éventualité. Donc, c'est intéressant que le tourneur te dise « Hey, travaillez votre truc. » Peut-être des festivals. Normalement, des c'est l'inverse. Hein? C'est quelqu'un qui a déjà son spectacle qui dit « Garde, essaie de me trouver des villes. » Là, c'est pas ça. Les villes sont trouvées. Les villes nous appellent. Et là, il n'y a rien de fait encore. Ouais. Enfin, il n'y a rien de fait. On a quand même fait deux concerts déjà. OK. On en a fait un en avril, juste avant la sortie du disque, pendant un festival de ukulélé. Le disque intégralement? En fait, on a juste adapté les dialogues pour que ce soit plus court, parce qu'on n'avait pas beaucoup de temps. Combien, une demi-heure? Non, 40 minutes. Ah. Mais on a tout joué, tous les morceaux. Et c'était génial, vraiment. Et t'as senti l'ambiance de ton album? On avait une salle de 200 places remplie d'enfants et leurs parents. Ils étaient debout sur les sièges, ils dansaient. Ah, c'est génial, quoi. Vraiment, de voir le retour comme ça en face. Alors, t'as senti la puissance de ce que t'as fait, là? T'as senti la magie que ça pouvait donner? Ouais. Et puis surtout que là, comme ça dure 40 minutes, on a le temps de voir. Contrairement aux expériences de chansons dans les bars, dont j'ai l'habitude, où on chante une chanson, c'est fini. Ça passe trop vite. Là, vraiment, j'ai le temps d'apprécier, de voir les enfants. C'est super chouette. Et les enfants, c'est vraiment les êtres que tu préfères. C'est sur eux que tu veux focusser ton œuvre. Et... Pas forcément. Moi, j'aime que les livres puissent aller aux enfants et aux adultes. Dans mon idéal, ce serait ça. C'est faire des livres qui conviennent même aux enfants. Okay. Voilà, c'est plutôt ça. Qu'ils ne soient pas mis à part, c'est non, ça? Non, mais ce que je trouve génial des enfants, c'est qu'ils n'ont absolument aucun snobisme et aucun a priori. Donc, si ça ne leur plaît pas, ils ne vont pas tu le cacher. Non, tu le On sais. Le sait tout de suite. C'est ça. Et voilà. Alors, donc, pour toi, c'est la corde de raide. Donc, si l'enfant apprécie, l'adulte va apprécier aussi. Bah oui, je pense, ouais. Parce que si moi, j'apprécie et que l'enfant apprécie. C'est quelque chose d'assez... Parce que tu es très exigeante? Ouais. OK. Alors, si ça passe de ton côté, tu te dis, c'est peut-être bon sur scène, mais ça va faire quelque chose d'intéressant. Ouais. Hein? Et tu veux quoi là, dans les prochaines années? Tu veux aller plus loin dans tes personnages, en créer d'autres? As-tu d'autres idées? Alors, il y a plusieurs choses que j'ai envie de faire. Déjà, là, l'expérience de Super Sauvage me donne envie d'écrire d'autres chansons, mais des paroles comme ça pour moi. Ludique? Ouais, okay. Des chansons, quoi, des vraies chansons. Parce que j'aime beaucoup écrire des textes courts et assez rythmés. C'est pour ça aussi que je fais des trucs pour petits. Et les chansons, c'est comme ça aussi. Et c'est pas forcément pour enfants. Donc je trouve que c'est vachement intéressant comme type d'écriture. Je pense que ça me convient mieux qu'écrire un roman, par exemple. Où là, il faut vraiment de l'endurance. Ouais. C'est moins mon état d'esprit. Autre chose que j'aimerais faire, c'est faire une bande dessinée pour les plus grands aussi. Et les là, plus grands, les adultes. Ouais, adultes, ouais. Un truc sur des questions d'enfance et de famille, mais qui s'adresse aux adultes. Là, j'ai un projet depuis pas mal de temps que je voudrais reprendre. Que tu as déjà entamé, mais que tu as... Ouais, que j'ai mis de côté parce que j'avais plusieurs choses. Voilà, il y a des priorités. Voilà, j'ai eu des priorités. Est-ce qu'il y a des éditeurs qui te disent que ce serait un moment de sortir un autre livre là, parce qu'il y a comme une demande? Non, ils me disent rien. OK, ils te laissent aller. Ouais, si, parfois, l'éditeur dit... As-tu un projet, Dorothée? Voilà, ah oui, mais c'est OK. Tout. OK. Alors, tu sens un peu l'intention de créer. On veut que tu crées, on veut que tu... Oui, mais ça va dans les deux sens, parce que celui qui me dit « As-tu un projet, Dorothée? » Moi, je sais que j'aimerais bien pouvoir lui dire oui. Oui, mais voilà, fond, j'y travaille. C'est ça, oui. Ça reste encore... Il faut le temps de mûrir les choses. J'ai 10 questions avant la fin, et tu réponds comme tu veux. Et c'est ça que je cherchais tout à l'heure, et tu regardes. Mais tu peux pas voir, parce que c'est... Ah bon, d'accord, c'est des questions My Cadillac spills. Matter of fact, candy paint Cadillacs kill. So check out the holes my Cadillac fills. 20 inch wide, 20 inch high. Hold on to like my 20 inch ride. 20 inch thighs make 20 inch eyes. Hoping for American 20 inch pies. Pretty ass clothes, pretty ass toes. Oh, how I love these pretty ass hoes. Pretty ass high class, anything goes. Catch them in the club throwing pretty ass bows. Long like my long John Paul. Women on they cell making long John calls. And if they like to juggle, get long John's ball. All the players in the house that can buy the bar. And the ballin' ass niggas with the candy cars. If you a pimp and you know you don't love them hoes when you get on the floor. All my women in the house if you chasing cash. And you got some big titties with a matching ass. With your fly ass boots or your open toes when you get on the floor. Dirty South mind blown, Dirty South bread. Catfish fried up, Dirty South fed. Sleep in a cop picking Dirty South bed. Dirty South cuz, give me Dirty South head. Hand me down flip flops, hand me down socks. Hand me down drug dealers, hand me down rocks. Hand me down a 50 pack, switch the sweet spot. And good fella rich niggas, hand me down stocks. Mouth full of platinum, mouth full of gold. 40 Glock cow, keep your mouth on hold. Lie through your teeth, you can find your mouth cold. And rip out your tongue, cause it's what your mouth told. Sweat for the lemonade, sweat for the tea. Sweat from the hot sauce, sweat from the tea. And you can sweat from a burn in the third degree. And if you sweat in your sleep, then you sweat from me. All my players in the house that can buy the bar. And the ballin' ass niggas with the candy cars. If you a pimp and you know you don't love them hoes when you get on the floor. All my women in the house if you chasing cash. And you got some big titties with a matching ass. With your fly ass boots or your open toes when you get on the floor. Hit by stars, hit by cars. Drunk off the liquor, getting hit by bars. Keep your girl close, cause she's hit by bars. Hit by the Neptunes, hit by guitars. Afro picks, Afro chicks. I let my soul glow from my Afro dick. Rabbit out the hat, pulling Afro tricks. Afro American, Afro thick. Overall country, overall team. Overall Georgia, we overall clean. Southern hospitality, your overall mean. Overall triple, overall beam. Thugged out niggas wearing thugged out chains. Thugged out blocks playing thugged out games. All black tinted up, thugged out range. DTP stay doing thugged out things. All my players in the house that can buy the bar. And the ballin' ass niggas with the candy cars. If you a pimp and you know you don't love them hoes when you get on the floor. All my women in the house if you chasing cash. And you got some big titties with a matching ass. With your fly ass boots or your open toes when you get on the floor. All my players in the house that can buy the bar. And the ballin' ass niggas with the candy cars. If you a pimp and you know you don't love them hoes when you get on the floor. All my women in the house if you chasing cash. And you got some big titties with a matching ass. With your fly ass boots or your open toes when you get on the floor. Mais elle n'a pas voulu. Puis, ben oui, mais comment ça? Je l'ai appelé avant-hier, puis... vous l'avez appelé vous aussi? Hein? Oui. Et puis, qu'est-ce qu'elle ne vous a pas rappelé? Hein? Oui. Elle vous a rappelé, puis elle m'a pas rien dit sur... Oui. Oui? Ben, qu'est-ce qu'elle vous a dit? Qu'elle pourrait venir à mon émission aujourd'hui? Oui. OK, mais est-ce qu'elle sait que ça se termine dans quelques minutes, là? Oui. OK. Elle veut passer après l'émission? Oui. Oui, mais après l'émission, il n'y aura plus de micro, là. On va fermer la station. Les lumières vont s'éteindre. Les micros vont s'éteindre. Oui. OK. Donc, elle veut parler, mais après tout ce qui sera terminé, puis en fait... Oui. Oh, mon... D'accord. La semaine prochaine, elle peut pas, hein? Oui. Ah oui, elle peut? Pendant l'émission ou après l'émission? Oui. Toujours après l'émission? Oui. Elle veut pas parler en ondes? Oui. Elle veut parler en ondes, mais l'émission se termine à 2h du matin, puis elle va être là à 2h15, vous m'avez dit? Oui. Comment elle peut passer en ondes à 2h15 quand l'émission finit à 2h, madame? Oui. Moins quoi? Il n'y a rien de sensé là-dedans. L'émission, c'est de minuit à deux. C'est pas compliqué, ça, dans votre tête, là. Avez-vous une tête, madame? Oui. Bon. Si vous en avez une, là, servez-la, utilisez-la maintenant. Là. C'est très, très, très important. Je l'invite, OK? Je lui ai dit de minuit à deux. C'est-tu compliqué, de minuit à deux? Oui. C'est compliqué. Vous savez compter jusqu'à deux, madame? Oui. Bon. Un, deux, c'est ça, hein? Oui. Bon. Quand je lui ai dit à 2h, là, vous m'avez dit qu'elle elle sera là après 2h. Oui. OK. Comment elle peut passer à mon émission, Errance canadienne, qui est diffusée à CKRL, on la remercie encore, cette radio incroyable, audacieuse, que j'aime et que j'embrasse, sans la langue, parce que j'ai peut-être une petite grippette au niveau de l'amygdale. J'ai plus d'amygdale, hein, madame? On les a enlevés. Vous avez enlevé l'amygdale. Avez-vous enlevé le cerveau? On l'a enlevé, OK? Avez-vous enlevé les dents? On les a enlevés, OK? Avez-vous enlevé les cheveux? Non, on les a gardés. Hey, c'est ça. Y en a-tu des cheveux après ça? Il y en a énormément. Bon, mon Dieu Seigneur. Là, on lui mentionne minuit à deux. Écoute, c'est une méga vedette, elle-là. Là. Elle veut passer à 2h15, c'est ça? Oui. Vous êtes son impresario, madame? Oui. C'est pas vous qu'on a contacté, là. C'est elle-même en direct, là. Oui. Ben, je veux dire, en direct et en personne, là. Oui. Puis elle vous a mentionné qu'en son nom, vous deviez nous parler, mais cette personne, cette grande vedette, vous laissait taire. Oui. J'ai rien compris de ce que vous compris, vous, madame? Oui. OK. Elle comprend. Elle suit tout. Vous êtes Tite Joan Connaissance? Oui. Oui. Moi, ça me met sans Connaissance. Moi, ça me met. Moi, des femmes de. Comment? Mais vous êtes une femme de tête, vous, hein? Oui. Moi, je suis un homme capillaire. Moi. On pourrait s'associer. Capillaire. Mon humour est insipide. Oui. Je suis un imbécile. Oui. Mon émission ne vaut pas la peine d'être entendue par cette dame et surtout, elle ne doit pas collaborer à cette merveilleuse émission. Oui. Oui, elle doit travailler. Mais pourquoi elle ne veut pas passer avant 2h du matin? Est-elle gênée? Oui. Ah, elle est gênée. Ah, ben là, s'il y a de la gêne, il n'y a pas d'espoir. Il n'y a pas d'espoir dans mon voyage quand il se décore. Dame morte, hier, ma Germaine m'a dit, avec toi, mon champion, je serai l'héroïne de ton histoire. Grâce à toi, mon Raymond, je deviendrai ton héroïne. Hein? J'ai la voilà, sur le tas, oui, je sais. Ah, attention. C'est. L'errance rénaldienne complice de vos délires auditifs, mais aussi visuels. Malheureusement pour vous, vous pouvez me voir. J'ai dit, vous pouvez me voir, m'émouvoir, m'émeu moi-même, OK? Est-ce que vous m'émeuvez, vous, madame? Oui. Ben, regarde-moi le signifiant, on l'aime de même. Le moment, s'invite à nous pour un élan rénaldien. Une consonance de l'esprit nous amènera, nous dirigera vers des sillons créatifs. Allons séchoir, et on n'aura pas le temps. Pas vrai. Allons séchoir, on fera des enchaînements musicaux. Allons séchoir vers les couloirs de l'improvisation avec ce fil Ariane narratif. C'est la dernière improvisation. Après ça, on doit se quitter. Vous écoutez Rance Rénaldienne. Merci, bye, à la prochaine. Mais avant de conclure, on va prendre le fil, l'atelier d'improvisation. Alors, la phrase, l'amorce, le récit, c'est « Elle possède un doigt polyvalent qui ne ment qu'entre la lisse fissure de la magistrature. » quoique l'avocate s'écarte de la cause, elle se crispe lors des soupirs au menthol. Menthol? Ben oui, menthol. Popperman. Oh, Popperman! Lorsqu'elle Popperman... Pourquoi tu ris? Non, je ne ris pas, je réfléchis pendant que... J'amène de l'oxygène au cerveau parce que Popperman m'a bloqué là. Ah, mon Dieu, tu te bloques au Popperman? Oui, mais c'est parce que ça... On dirait que c'est beaucoup moins motivateur. Bon. La Popperman n'est pas motivatrice, mais d'après vous? D'après moi, oui. Bon. Alors, dans la fissure, avocate, magistrature, Popperman, ça va bien. Ben menthe, OK, la menthe, oui. Ah, oh, la menthe, oh, ça, c'est bon. Lorsque la menthe glisse sur la fente, on l'a dit fente, non, on a placé fissure. Ben fente, fissure, c'est la même chose, là. Mais c'est un lien qui représente la majorité silencieuse de notre entreprise langagière que l'on veut émettre maintenant. Hein? Qu'est-ce qu'il a dit, lui? Il a dit ce qu'il peut bien concevoir avec le cerveau qu'il a. Oh! Qu'il a comme une histoire d'abondance. Il y a la respiration pour chantonner. Quand il chantonne, l'homme ne s'étonne pas des mots qu'il ne dira pas. Oh, restait un liquide. Ah. Je dois dire ce qui me passe par la tête, ben, la ou, première idée qui me vient oui, par la tête. Ou tu peux après ça travailler. Bon, alors je sais pas, la première idée, j'ai un peu honte de ma première idée, c'était de la caipirinha. Mais en fait. La quoi? La caipirinha. C'est quoi? C'est du mojito brésilien. Ok. Mais en fait, parce que tu as dit liquide, j'ai pensé boisson, mais en fait, ouais, c'est ben, idiot, oui. J'aurais pu dire n'importe quoi d'autre. Voilà. Okay. Mais moi, je sais pas analyser, hein, donc je vais te dire des réponses. Et ben, j'ai... c'est bien. Rapide, c'est ça? Ok. Ok. Si tu étais, deuxième question, si tu étais une ville. Une ville. Ben, Paris. Pourquoi? Parce que je me sens bien là, c'est chez moi, c'est ma maison. Et il n'y a pas un arrondissement? Y a pas... Un arrondissement? Un arrondissement. Je sais pas quoi répondre. Bah, j'ai habité dans plusieurs quartiers, alors j'aurais tendance à étendre mon territoire partout là où j'ai habité. Comme j'étais toujours dans des petits appartements, j'ai tendance à estimer que c'est chez moi dehors aussi. Donc il y a le 5e, il y a le 4e, il y a le 3e, il y a le 10e. Voilà. Alors c'est partout Paris, dans sa globalité. Plutôt le centre, mais voilà. J'adore. Dans sa globalité. Ouais. Si tu étais une langue. Une langue, le belge. Le belge? Ouais, je sais pas, bon, c'est du français, bien sûr. Mais... Oui, non, mais belge. J'adore la façon de parler des Belges, le léger accent des Bruxellois et les expressions et tout ça. C'est, la belgitude. Ouais, j'adore. Okay. Je me sens très bien là-bas. Tu vois souvent? C'est vrai que de temps en temps. Les Belges, C'est pas loin, j'ai des amis là-bas, donc j'aime bien. Si tu étais une époque? Une époque, les années 20. Pourquoi? Parce que j'adore l'état d'esprit, la musique, la créativité, le modernisme, la mode, tout, la peinture. Ah, c'est un peu ce qui te correspond sur scène? Est-ce que tu essaies de... Je sais pas, après, ça dépend comment les autres me perçoivent. C'est pas forcément la même chose que moi, ce que je perçois de moi. Mais ouais, moi, je m'imagine bien là-bas. Mais lorsque tu fais un spectacle, est-ce que tu restes habillée d'une manière traditionnelle ou au contraire, tu... Essaye de te masquer, Non, je me déguise pas, mais je soigne les tenues, ouais. Ça okay. m'amuse, oh, j'adore. Ah ouais, j'ai un certain goût du, quand même, ouais, de la de tenue. L'esthétisme. Ouais, j'aime bien. Si tu étais une époque, je l'ai dit une époque, si tu étais un mot. Un mot. Je vois ce que je voudrais répondre, mais je l'ai sur le bout de la langue. Zut. Bon, je vais pas trouver. Non, mais prends ton temps, hein, y a aucun problème. Alors, faut que je réfléchisse. C'était un mot un peu... Ah, je vois très bien lequel c'est, mais il ne veut pas venir. Hein? Il est juste tu peux me la redemander plus tard, celle-là? Un peu comme la grenouille avec... Si tu étais un aliment. Un aliment? Je dis aliment avant, puis là, j'ai dû dire aliment parce qu'on ne comprenait pas mon aliment. Un aliment, des dates. Des dates. Pour sa fraîcheur, pour... Bah... Il y a certaines choses à manger qui, pour moi, que je considère comme des aliments magiques. Je ne sais pas pour quelle raison, mais c'est des trucs, s'il y en a, je le mange. Et c'est comme si ça m'apportait de la force. Mais c'est idiot, c'est ma non, non, non, fantasme mais non, personnel. Non, mais si et tu les dates, c'est comme ça. Tu vas prendre si je vois des dates, ouais, j'ai l'impression que ça va me permettre de survivre à tout, les dates. Mais c'est vrai c'est que ce qu'on peut emmener dans le désert, quoi. Oui, et en ouais, c'est vrai, c'est ouais. assez juteux aussi en même temps. Ça... Ouais, c'est hyper savoureux, c'est hyper concentré. C'est sucré, c'est rare. C'est très simple en même temps, c'est ouais. modeste. C'est vrai. C'est populaire, modeste, ouais. Ça paye pas de mine. Et c'est vrai, c'est bon. C'est hyper c'est bon. Si tu étais une saison? Le printemps. Pourquoi? Parce qu'il y a de la force. La renaissance? Ouais, l'énergie. La ouais. force? Pourquoi la force n'est pas là l'été? Ben... Si, elle est là, mais comment dire, elle démarre au printemps, donc on sent plus qu'elle revient après l'hiver. Hein. Ça, okay. C'est vachement agréable. Si tu étais un membre corporel? Oh là, quelle drôle de question. Alors, je vais répondre. Le premier truc qui m'est venu à l'idée, c'était un doigt de pied, mais en fait, c'est... Ah oui, pourquoi c'est, pas, oui. C'est, en fait, j'ai pourquoi, pas très envie... Pourquoi un doigt de non, pied? Je sais pas, c'est, j'ai juste répondu ce qui me passait par la tête, okay. Il y a aucune raison. Si je réfléchis, je serais plutôt la main. La main, ouais. La main du dessinateur, du de dessin, ouais, ouais. Serrer la main, l'humanisme. Ouais. Ouais. Si tu étais un moment de la journée. Ouf. Un moment de la journée, le matin. Pourquoi? Parce que c'est comme la fébrilité, le printemps, on ça, se réveille, les enfants, habiller les enfants, préparer. Bah, disons une fois que tout le monde est préparé. Ok, tout voilà. le monde est prêt. Une fois que okay. tout le monde est parti à l'école, hop, voilà. Ok, que la maman est tranquille. Voilà, je pars et. Ok, et tu peux créer, tu je peux faire mes trucs. to sing. I gotta smoke grass to help me see why you bathe. Well, mirror, mirror on the wall, who's the biggest fool of all? Hallucinating freedom calls, what's freedom made? Eh bien, oui, madame, mademoiselle, messieurs, surtout mademoiselle et madame. Messieurs aussi. Oh oui, messieurs, écoute, on va pas... Deux minutes. Oui, oui, bien, on a deux minutes. En fait, deux minutes, 30 secondes pour remercier les gens de nous avoir écoutés. Hey, c'est des patients. Hey, c'est pas des patients impatients, là. C'est des patients patients. Oh, doublement patients, doublement patients. Alors, on les remercie infiniment. Et... on aimerait vous interroger, s'il vous plaît. Concernant quoi? Est-ce qu'on peut attendre la fin de cette émission? Parce que c'est presque terminé. Avez-vous deux minutes? Oui, on a deux minutes dans deux minutes. Oui, on aimerait vous interroger, s'il vous plaît. Merci. Je ne sais pas si on va... Mais comme je le disais, deux minutes. Il nous reste deux minutes. Interroger deux minutes. OK, on va l'interroger deux minutes. Avez-vous quelque chose? Oui, on l'a, mais c'est presque terminé. Donc, il n'y en a plus. Terminé. T'es mort. Simplement, j'aimerais vous dire que vous écoutez Errance Renadienne, c'est Renal Gagné. Si vous voulez m'écrire, c'est simple. Quoi qu'il faut un clavier, là. Quoique, vous, arrêtez de dire quoique. Renal Québec à commercial hotmail.com. RENALDQUEBEC à commercial hotmail.com. Et ensuite de ça, vous pouvez être mon ami Facebook. Vous rentrez Renal Gagné, Renal comme je vous l'ai appelé, GAGNA accent aigu. Vous pouvez Twitter, mais je fonctionne pas très fort sur Twitter. J'ai pas le Twitter allumé, mais c'est bon. Alors, je remercie infiniment mes auditeurs, mes auditrices et les futurs. Appelez tout le monde là, la semaine prochaine parce que c'est mon ami, mon grand ami, mes deux amis, Marcus et Carton. Carton et Marcus du groupe Raoul Petit. Et ce sera un méga party, une surboom, une fête extraordinaire. On va s'en rappeler longtemps. Aïe, aïe, non, j'ai déjà mal. On va s'en souvenir. Aïe. La semaine prochaine, si tout va bien. Raoul! Ah, Raoul, il gigue depuis tout à l'heure. Là. Il nous danse, ça. Il est en pleine forme. Ah, carton, ouais. Et Pipo, tu veux quoi? Des tomates ou des petits pois? Arrête un peu, Attila. On ne doit pas toucher à ça. Oh Pipo, tu veux quoi? Du camembert ou de la pizza? Tu es complètement fou, Attila. Tout est par terre, même le Bouddha. Puis le supermarché, ses caissières, ses frigidaires, plein de trucs à manger. quoi? Des saucisses ou bien du foie gras? Oh là là, a-t-il la honte de ton ben sur moi? Mais Pipo, tu veux quoi? Du saumon ou du tarama? Au secours, a-t-il la dérapé sur la mozza? Le supermarché, ses caissières, ses frigidaires, plein de trucs à manger. Vive le supermarché. C'est un truc, je crois. Oh non, pas des chips. Un Pipo, tu veux quoi? Des chips. Des crêpes ou du chocolat? Non, des chips. Attention, a-t-il à tout s'écroule? Patatras. Attends, les chips. Oh les pattes, vous êtes cerné. Oh non. Si tu étais un autre individu. Ah, alors ça dépend des jours. Aujourd'hui, là. Parfois, j'ai envie d'être Valérie Le Mercier. Pourquoi? Ah, mais c'est vrai que... Ah, là, oui. Il y a une époque qu'on me prenait pour elle souvent dans la rue. Ah! Ouais, ouais. As-tu signé des autographes? Non, mais je voyais que les gens me demandaient. Mais est-ce que... Tu... J'adore ce qu'elle fait, en plus. Et oui, est-ce que c'est dû à la ressemblance ou... C'est-à-dire qu'on m'a fait remarquer la ressemblance, donc je me suis intéressée à elle. Okay. Et après, je me suis mise à vraiment beaucoup aimer ce qu'elle fait. Et j'adore notamment les chansons qu'elle a écrites aussi. Oui. As-tu vu Vendredi soir? Vendredi soir? Oui, un film avec elle. Oui, oui, dans les embouteillages? Oui. Ah oui. C'est merveilleux, hein? Oui, c'est pas mal. Mais c'est très peu de dialogue, mais ça veut tout dire. L'effervescence de l'humain, deux personnes qui se rencontrent. Oui, oui. J'ai des souvenirs de son premier spectacle, moi, où j'avais tellement ri que j'avais dépassé le point ultime du rire, je me souviens, parce qu'après rire, j'avais presque pleuré, j'avais bramé, et à la fin, j'étais restée muette tellement. Son premier spectacle? Oui, son tout premier spectacle. OK. Et parce qu'elle avait fait une danse, ça n'avait aucun sens, c'était juste gestuel, et c'était pour moi le sommet, quoi. Alors, tu aimes... Voilà, donc j'ai dit que je voulais être plusieurs personnes, et là, je ne parle que de Valérie Le Mercier. Sinon, il m'arrive de vouloir être Claire Bretéché aussi. Ou qui est-elle? Qui est une dessinatrice qui a fait Les Frustrés, Agrippine et tout ça, que j'adore. Sinon, parfois, j'ai envie d'être Philippe Catherine. Ah! à cause du personnage? Parce qu'il est drôle. Non, c'est des gens, je trouve... Ludique. Ludique et très sincère, je pense. Alors que souvent, il est pris pour un cynique. Mais moi, je ressens comme quelqu'un qui fait vraiment un truc très proche de ce qu'il ressent. Très sincèrement. Authentique. Et ça donne. Voilà, ouais. Moi, je l'adore, moi aussi. Ouais, et voilà, moi, c'est. Mais moi, c'est surtout l'ambiguïté qui me plaît chez moi. Ouais, aussi, ouais. C'est le côté. On dit flyer chez nous, le côté excentrique. Ouais, c'est bien ça. Ouais, on dit flyer, ça veut tout dire. Parfois, j'aimerais bien être Nadja aussi, qui fait des livres pour enfants, qui peint, qui fait plein de trucs. Bon, toi, t'aimerais être plusieurs personnes. Ouais, en fait. Non, mais j'y pense pas toute la journée, mais c'est des gens qui me donnent envie, quoi. Si tu étais un mot. Un mot. Il veut pas, hein. Il veut pas? Non, il veut pas. OK. On laisse là. On laisse dans le firmament. Non, ça m'énerve parce que je vois très bien ce que je voudrais dire. Je voudrais pas en dire un autre. Et c'est... Est-ce que tu peux me dire... C'est un adjectif qui veut dire un truc un peu dégoûtant qu'on n'aime pas. Ah? Bon, je sais plus. Un dégoûtant qu'on n'aime pas. Ouais. OK. Bon. Non, je le vois, moi aussi. C'est super précis. Oui, oui, comme les géants dégoûtants, là. Oui. C'est dur quand ça... Ça me rappelle une fois, j'ai eu comme ça un trou de mémoire une fois. J'ai oublié ce que c'était qu'une prune pendant un quart d'heure dans ma vie. Ouais. Ben voyons. Je suis allée tu savais le mot, mais tu savais pas ce que ça voulait dire. Non, c'est-à-dire que je suis allée m'acheter à manger pour mon déjeuner dans une épicerie. et j'ai vu des prunes et c'est comme si ça n'existait plus dans mon cerveau, cette catégorie. Je n'ai pas reconnu ce que c'était. L'épicier m'a dit, c'est... J'ai pas compris ce qu'il a dit. Je dis, ah oui, c'est intéressant, je vais en acheter. Et 5 minutes après, dans la rue, je regarde dans mon sac, je me dis, mais ce sont des prunes. Et c'est comme si j'avais eu une amnésie partielle pendant 10 minutes. Mais est-ce que ça t'arrive souvent? Non, ça m'est arrivé une fois dans ma vie. Ça t'a pas troublé? Si, je reparle encore alors que c'était... Ça fait combien d'années? 15 ans. Est-ce que tu créais il y a 15 ans? Est-ce que tu étais dans... Oui, j'étais dans une école d'art préparatoire au concours des arts déco. Tu dis que tu n'étais pas trop pris dans ton... J'étais hyper prise dans mon truc puisque je préparais mon concours. Alors, c'est ça, voilà. Alors tu étais perdue. Des prunes ouais, n'existaient plus à cause de ça. Ah oui, un peu comme l'ogre. Hein, ton mot, c'est un peu comme un ogre, là, quelqu'un qui est... T'as un ogre et dégoûtant et... Le mot, là, en question. Le mot, non, c'était pas exactement ça. Mais... Non? Bon, je vais, okay. pas, je vais non, pas y non, arriver. Non, mais c'est pas grave. Hey, tu me l'enverras sur Facebook. Si me revient, je te dirai. Oui, oui, sur d'accord, Facebook. D'accord. Et je te dirai. Hey, merci d'être passé, Dorothée. Mais de rien. Puis merci du beau livre. Et on diffuse ça à mon antenne. On va, je te dirai le mois où on fera un plein feu, Dorothée. D'accord. Et donc, je t'envoie la copie originale des deux magnétos, parce que ça, c'est mon côté. au cas si un ne fonctionne pas, j'en ai un autre. Ah oui, okay? D'accord. Donc, c'est deux sons différents. Je t'envoie les deux trucs, mais le meilleur, c'est ce son-là. Oui. Ouais. Et t'en fais ce que tu veux. Une fois que tu l'as téléchargé, tu me le dis. Et moi, je détruis des liens, donc il n'y a personne qui a accès à ça. Ah oui, d'accord. Voilà, ça, c'est plus de... Et toi, après, tu fais ton montage. Oui, exactement. Et là, c'est demain, lorsque je vais faire mes dernières rencontres, parce que j'en fais 5 aujourd'hui. Ben là, t'es ma 3e et j'en fais 5 autres demain parce que c'est terminé. J'en ai fait 28 en 8 jours. Ah ouais, dis donc. Oui, 28 en 8. Et c'est là que je vais localiser parce qu'il y a des entretiens qui font beaucoup plus été, d'autres plus hiver. Ah oui, d'accord. Parce que chez nous, l'hiver, c'est l'hiver. C'est pas comme vous autres. Donc, il y a des gens qui sont un peu plus, mais moi, je te vois plus l'hiver. Moi. Ah bah, comme tu veux. Oui, hein. Parce que l'imaginaire a besoin de s'oxygéner, donc l'hiver peut-être. Bon, ben, très bien. Mais je te dirai quand et je te placerai dans ton courriel mes liens avec l'émission en direct pour d'accord, savoir un peu de quoi ça a l'air à l'intérieur de tout ça et tu vas avoir la copie originale. D'accord, bah, génial. Merci d'être venu. Je vais te donner mon mail alors parce que je sais pas si tu l'as. Oui, oui, ok. Alors, bye-bye. C'est terminé. On coupe. Bye-bye. Ben oui, il faut que je dise au revoir. Ben oui, au revoir. Au revoir, au revoir. À la prochaine. Et hey, puis j'espère Renan. Qu'on va se voir au Salon du Livre à Québec. Ben, si je suis invitée, avec plaisir. Ben, on va t'inviter à un moment avec ce livre-là, pourquoi pas? Ben ouais, je veux bien. OK, alors je vais travailler de mon côté et d'accord. On va peut-être se voir à Québec. Bye bye. On fera un concert. OK, oui, c'est au ça. Au revoir. Salut, bye. On t'appelle chien-chien. Gentil petit toutou, on te trouve très chou, enfin tu reviens. Tu es parti loin, ras-le-bol d'être sage, tu te rêvais sauvage, ce soir tu reviens. Je reviens, je reviens, je reviens, je reviens, je reviens. Je reviens, je reviens, je reviens, je reviens. T'es perdu, tu nous as manqué, on t'a regretté, tu es revenu. Mon petit bichon, maintenant tu es là, soyons tous les trois sauvages à la maison. Je reviens, je reviens, je reviens, je reviens, je reviens. Je reviens, je reviens, je reviens, je reviens, je reviens. L'appelle chien chien, gentil petit toutou, on le trouve très chou, enfin il revient. Il est parti loin, ras-le-bol d'être sage, ce rêve est sauvage, ce soir il revient. Je reviens, je reviens, je reviens, je reviens, je reviens, je reviens, je reviens. Je reviens, je reviens, je reviens. Je reviens, je reviens, je reviens, je reviens, je reviens. Je reviens, je reviens, je reviens, je reviens, je reviens. Je